Moi je lève mon verre à notre santé pour faire la fête. Moi j'aime pas patienter. Je suis venu pour rattraper toutes les fois où la joie s'est absentée. Quand je rentre chez moi, je tape la mission. Je t'avoue, c'est déprimant. Je m'endors sur un banc et je me réveille en cellule de dégrisement. Une crisement, Paris, j'ai besoin d'une grande. Paris, qu'on sème une grosse. Paris, quand on se traîne dans Paris, les flics viennent tout gâcher. Quand je me sens bien et que tout est rose, certains voudraient que j'arrête la tise. Mais compte là-dessus et bois de la canterbro. Là, c'est que je veux pas lâcher, même si certains sont pas d'accord. Dans mon espace, au lieu de la voie lactée, j'ai pris la voie de l'alcool. J'ai des lacunes, car d'arrêter, ça fait longtemps que j'y pense. Je me fous de la thune. Chaque soir, j'ai plus de liquide que la Banque de France. Toujours en manque de chance pour la famille. Je suis au petit soin des moyens. Moi, j'ai l'hiver sur la tête d'un technicien. Je me souviendrai toute ma vie de cette époque. J'ai fort mal PPN, ce temps haut pour le goûter. Une bonne d'espé remplace à l'épée. Quand je vois ce monde s'empirer, ma joie se résume en quelques centilitres. On peut pas s'en tirer, alors au moins qu'on puisse se sentir libre. Je m'évader, mais j'ai sème d'être dans ce décor-ci. Ça, je cache, mais je me sens si seul ces soirs où mon corps zigzag. Quand je vois ce monde s'empirer, ma joie se résume en quelques centilitres. On peut pas s'en tirer, alors au moins qu'on puisse se sentir libre. Je m'évader, mais j'ai sème d'être dans ce décor-ci. Ça, je cache, mais je me sens si seul ces soirs où mon corps zigzag. Match ou solitaire, en bas je traîne, y'a que la bière qui rend solidaire. Soumise, non solide, à la solid snake. Je rate les fonds de caisse, classe mes affaires en lame de cold case. Je me noie dans la tease, j'ai pas le cheese de gold gaze. Une chose me sourit, des soucis pourrissent mes souvenirs. J'aurais dû être le sous-X, je lâche des soupirs. Le nez sur spliff, survie, subit, subsiste. En évitant les moments de surprise, à cœur, fais d'ortie en quatre, mes potes plient. Dans ma tête, une écorce vive, besoin d'une attelle. La rue m'apaise, après le bonheur, je cours, appelle-moi athlète. Pas très balèze, une fille masquée, là j'ai adhère. Besoin m'éclater la tête, je me sens proche, quatre ma teigne. Je suis largué à sec, destiné à perdre. Y'a pire que moi, je me dois d'effacer ma peine et de garder la pêche. Quand je vois ce monde s'empirer, ma joie se résume en quelques centilitres. On peut pas s'en tirer, alors au moins qu'on puisse se sentir libre. Je m'évader, mais j'ai sème d'être dans ce décor-ci. Ça, je cache, mais je me sens si seul ces soirs où mon corps zigzag. Quand je vois ce monde s'empirer, ma joie se résume en quelques centilitres. On peut pas s'en tirer, alors au moins qu'on puisse se sentir libre. Je m'évader, mais j'ai sème d'être dans ce décor-ci. Ça, je cache, mais je me sens si seul ces soirs où mon corps zigzag. Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines. Destiné à perdre, la pire que moi, je me dois d'effacer ma peine et de garder la pêche. Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.